voici parti à l'ouest. Décollage, déchirure annoncée pour un pays d'accueil du reste. D'intempéries fragile était. J'en ai croisé des vagabonds qui me disaient le cœur en fête, que le soleil n'est qu'un con. Gage de belles tempêtes, celles qui fracassent les falaises, qui font s'envoler les bateaux. Même avec du trèfle, les balaises sur le carreau. Celle qui t'explose les artères, crache du feu à plein poumon, qui brûle tous les cœurs de pierre. Araignées du plafond, celle qui trace des itinéraires, à qui se pose des questions, et offre en guise de repère. S'en vont changer d'autres horizons.